Poésie et œuvre morale de Giacomo Leopardi. Traduction de Hollard. Dialogue de Christophe Colomb et de Pierre Gutiérrez. Colomb. Une belle nuit, mon ami. Gutiérrez. Oui, très belle, et je crois que vue de terre, elle serait plus belle encore. Colomb. Fort bien. Toi aussi, tu es fatigué de naviguer. Gutiérrez. Non pas de naviguer en général, mais cette navigation me paraît plus longue que je n'aurais cru et me donne un peu d'ennui. Cependant, tu n'as pas à penser que je me plaigne de toi, comme font les autres. Tiens même pour certain qu'en toutes les résolutions que tu prendras au sujet de ce voyage, je te seconderai, toujours, comme par le passé, de tout mon pouvoir. Mais puisque nous causons, je voudrais que tu me déclarasses nettement et en toute sincérité si tu es aussi sûr qu'au commencement de trouver un pays dans cette partie du monde, ou si, après un si long temps et tant d'expériences contraires, tu ne commences pas à concevoir quelques doutes. Colomb. À parler franchement, et comme on peut le faire avec une personne amie et discrète, j'avoue que quelques doutes me sont venus, d'autant plus que, dans le cours du voyage, quelques signes qui m'avaient donné de grandes espérances n'ont été suivis d'aucun effet. Par exemple, ces oiseaux qui passèrent au-dessus de nos têtes, venant du couchant, peu de jours après notre départ de Coméra, et qui me parurent annoncer une terre voisine. De même, j'ai vu que, de jour en jour, les faits ne correspondaient plus à certains pronostics et à certaines conjectures que j'avais faites avant de prendre la mer, sur différentes choses qui, je le croyais, devaient nous arriver en route. Aussi me dis-je que si tous ces pronostics m'ont trompé, bien qu'ils me parussent certains, il se pourrait bien qu'il n'y eût pas plus de vérité dans ma conjecture principale d'après laquelle je dois trouver une terre, au-delà de l'océan. Il est vrai qu'elle a de tels fondements que, si elle était fausse, il me semblerait qu'on ne peut avoir foi dans aucun jugement humain, à moins qu'il ne s'agisse de ce qu'on voit ou de ce que l'on touche présentement. Mais d'autre part, je considère que la réalité diffère souvent, le plus souvent même, de la spéculation. Et je me dis en moi-même, comment peux-tu savoir si chaque partie du monde ressemble aux autres de telle sorte que, l'hémisphère d'Orient étant moitié terre, moitié eau, il s'ensuive que celui d'Occident doit être aussi distribué de même? Comment sais-tu s'il n'est pas tout entier occupé par une mer unique et immense? Ou si au lieu de terre, ou de terre et d'eau, il ne contient pas quelque autre élément? Et supposer qu'il contienne des terres et des mers, comme l'autre, ne pourrait-il pas se trouver qu'il fût inhabité, ou même inhabitable? Mettons qu'il n'est pas moins habité que le nôtre. Quelle certitude as-tu qu'il s'y trouve des créatures raisonnables, comme chez nous? Et quand il y en aurait, es-tu sûr que ce soit des hommes, et non pas quelques autres genres d'animaux intelligents? Ou, si ce sont des hommes, qu'ils ne soient pas très différents de ceux que tu connais? Par exemple, beaucoup plus grands de corps, plus gaillards, plus adroits, doués naturellement de beaucoup plus de talent et d'esprit, et aussi plus civilisés et riches de plus de sciences et de plus d'art. Voilà ce que je pense à part moi. Et en effet, telle est la puissance que montre la nature, telle est la variété et la multiplicité de ses effets, qu'on ne peut porter un jugement certain sur ce qui est ou a été fait par elle dans les régions éloignées et inconnues à notre monde. On peut même se demander si ce n'est pas se tromper que de juger ces régions-là par les nôtres, et s'il est contraire à la vraisemblance d'imaginer que les choses du monde inconnu sont en totalité ou en partie merveilleuses et étranges pour nous. Voici que nous voyons de nos yeux que dans ces mers, l'aiguille décline sensiblement vers le couchant, chose très nouvelle et inouïe pour tous les navigateurs. J'ai beau m'ingénier, je ne puis en trouver une raison qui me contente. Je ne dis pas qu'il faille prêter l'oreille aux fables des anciens relatives aux merveilles du monde inconnu et de cet océan-ci. Par exemple, à ce que dit Hannon de certains pays remplis la nuit de flammes et de torrents de feu qui venaient se déverser dans la mer, car nous voyons combien jusqu'à ce jour ont été vaines les craintes de nos gens au sujet de merveilles et de nouveautés terribles, comme lorsque, en voyant cette quantité d'algues qui faisait de la mer comme un pré et nous empêchait parfois d'avancer, ils crurent être aux derniers confins de la mer navigable. Mais je veux seulement répondre à ta question. Eh bien, quoique ma conjecture soit fondée sur des arguments très probables, non seulement à mon avis, mais encore à celui de beaucoup de géographes, d'astronomes et de navigateurs excellents, avec qui, tu le sais, j'en ai conféré en Espagne, en Italie et en Portugal. Néanmoins, il pourrait arriver que je me sois trompé, car je le répète, nous voyons que beaucoup de conclusions tirées d'excellents raisonnements ne correspondent pas à l'expérience. Et cela se produit quand ces conclusions se rapportent à des choses sur lesquelles on a très peu de lumière. Gutiérrez. De sorte que, en substance, tu as exposé ta vie et celle de tes compagnons sur le fondement d'une simple opinion spéculative. Colombe. C'est vrai. Je ne puis le nier. Je ne te rappellerai pas que les hommes se mettent tous les jours en danger de mort sur des conjectures infiniment moins sûres et pour des choses insignifiantes ou même sans y penser. Mais réfléchis un peu. Si maintenant, toi et moi, ainsi que tous nos compagnons, nous n'étions pas sur ce navire, au milieu de cette mer, dans cette solitude inconnue, en quelle autre condition nous trouverions-nous être? À quoi serions-nous occupés? Comment passerions-nous ces jours-ci? Plus joyeusement, diras-tu. Mais ne serions-nous pas plutôt dans de plus grandes peines et de plus grandes inquiétudes, ou bien plongés dans l'ennui? Que veut-on dire par un état exempt d'incertitudes et de dangers? Si c'est un état joyeux et heureux, il est préférable à tout autre. Mais s'il est ennuyeux et misérable, je ne vois pas à quel état il n'est pas inférieur. Je ne te parle pas de la gloire et du profit que nous retirerons de notre entreprise, si elle se termine conformément à notre espoir. Notre navigation me semble très profitable quand elle nous donnerait pas d'autre fruit que de nous tenir pendant quelque temps libres d'ennui, de nous faire aimer la vie, de nous rendre agréables ce dont autrement nous ne nous soucierions pas. Les anciens racontent, comme tu l'auras lu ou entendu dire, que les amants malheureux qui se jetaient du rocher de Santa Maura, on l'appelait alors le Cade, et qui se tiraient de cette chute, étaient, par la grâce d'Apollon, délivrés de leur passion amoureuse. Je ne sais pas si on doit croire qu'ils obtinssent cet effet, mais je sais bien qu'au sortir de ce danger, ils devaient pendant quelque temps, même sans la faveur d'Apollon, aimer cette vie qu'ils avaient d'abord en haine, ou du moins en faire plus de cas. Chaque navigation est, à mon avis, comme un saut de Leucade. Elle rend le même service, mais plus durable qu'après cette chute. Aussi lui est-elle supérieure pour ce motif. On croit communément que les hommes de terre et de mer, qui sont à chaque instant en danger de mourir, estiment moins leur propre vie que les autres hommes n'estiment la leur. Mais moi, pour le même motif, je crois que peu de personnes aiment et prisent autant la vie que les navigateurs et les soldats. Que de biens dont on a cure quand on les possède, et que de choses auxquelles on ne donne même pas le nom de biens qui paraissent chères et précieuses aux navigateurs, seulement parce qu'ils en sont privés. Qui mit jamais au nombre des biens humains de fouler un peu de terre? Personne, si ce n'est les navigateurs, et surtout nous qui, dans l'incertitude du succès de notre voyage, n'avons pas un plus grand désir que d'apercevoir un petit bout de terre. C'est notre première pensée en nous éveillant, notre dernière en nous endormant. Et si jamais nous découvrons au loin la cime d'une montagne ou d'une forêt, nous ne nous tiendrons plus de joie. Et une fois à terre, rien qu'en pensant que nous nous retrouvons sur le sol et que nous pouvons aller çà et là à notre gré, il nous semblera être heureux pour plusieurs jours. Gutiérrez. Tout cela est vrai, et si ta conjecture spéculative se trouve aussi vraie que ta justification de l'avoir suivie, nous ne pourrons manquer de jouir de ce bonheur un jour ou l'autre. Colombe. Pour moi, bien que je n'ose plus me le permettre assurément, j'espère cependant que nous sommes prêts d'en jouir. Depuis quelques jours, tu le sais, la sonde touche fond, et la qualité des matières qu'elle ramène me semble d'un bon augure. Vers le soir, les nuages qui entourent le soleil me paraissent d'autres formes et d'autres couleurs que les jours précédents. L'air, comme tu peux le sentir, devient un peu plus doux et un peu plus tiède qu'auparavant. Le vent ne vient plus comme par le passé aussi plein, aussi droit, aussi constant. Il est plutôt incertain, variable, et comme interrompu par quelque obstacle. Ajoute ce roseau qui flottait sur la mer à fleur d'eau et qui paraissait coupé depuis peu, et cette petite branche d'arbre, avec ses baies rouges et fraîches, et les troupes d'oiseaux, bien qu'elles m'aient déjà trompée une fois, sont cependant si nombreuses. Elles se multiplient tellement qu'il faut bien qu'il y ait quelque raison à cela, surtout comme on y voit mêler quelques oiseaux qui, à leur forme, ne me semblent pas être des oiseaux de mer. En somme, tous ces indices réunis, si défiant que je veuille être, me tiennent dans une grande et heureuse attente. Gutiérrez, Dieu veuille que cette attente se vérifie cette fois. Ici se termine Dialogue de Christophe Colomb et de Pierre Gutiérrez de Giacomo Leopardi, enregistré par Christiane Johan.